Règle du double. Lorsque le total de ses crédits bancaires représente au moins le double des revenus déclarés, l'administration peut demander des justifications aux contribuables. À noter que les sommes non soumises à déclaration n'ont pas d'incidence sur cette appréciation. Dès lors, la règle du double exclut la prise en compte de la cession de la résidence principale.